Le comité contre la disposition du SAD de Songju, constitué des habitants de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord de la Corée du Sud, a livré le 21 courant à Séoul la lutte protestataire contre les menées des autorités pour la disposition du SAD. Le même jour, le comité préparatoire du conseil de mesure du Jeolla du Sud contre la disposition du SAD a organisé devant le siège de la préfecture de la province du Jeolla du Sud une conférence de presse exigeant l'abolition de la décision de l'installation du SAD.